Future Wave. Future Wave. Don't think I'll be here all today, trying to figure what clothes. In the middle of a black shape. In the middle of a black shape. Running into the night, never. arrêter de danser. Oh oh oh. Il regardait autour de lui, tout le monde était assis. Oh oh oh. Ses parents l'avaient déjà prévenu qu'il ne faut pas traîner toute la nuit dans les discos. C'est l'histoire d'un garçon qui ne pouvait pas arrêter de danser. Oh oh oh. Il regardait autour de lui, tout le monde était assis. Oh, oh. sometimes. Night after night she lay alone in bed, her eyes so open to the dark. The streets all look so strange, they seem so far away. But Charlotte's in time. People seem so close, plain expressionless game. Thank you. bye.